Monsieur X est fâché avec la chronologie. Monsieur X est ainsi. Non seulement il exige un anonymat total et menace de couper tout contact si je tente de l'identifier, mais il choisit le thème de nos conversations selon son bon plaisir en faisant fi de tout souci chronologique. Une seconde fois, je me suis donc rendu dans les bureaux de cette étrange société d'import-export où on ne rencontre jamais personne et qui, à l'évidence, doit dissimuler quelque activité occulte. Monsieur X m'a ouvert la porte et m'a tendu une main vigoureuse, et j'ai eu l'impression qu'il était assez content de lui ou qu'il allait me jouer un bon tour, allez savoir. Aimez-vous l'or, monsieur Penaud? Enfin, je veux dire, avez-vous déjà été fasciné par ce métal dit précieux? Fasciné, je sais pas, mais après tout, peut-être que j'en ai pas vu en assez grande quantité pour être fasciné. Eh bien, moi, je l'avoue, l'or m'a toujours fait rêver. Oh non, pas le métal en lui-même, mais sa quête, sa découverte. Bon, j'ai peut-être gardé une âme d'enfant. Dès qu'on me parle de trésors cachés, je me sens des ailes. Ouais, là j'imagine que vous avez déjà découvert des trésors, ça vous ressemblerait ça. Et si je vous disais oui, vous me croiriez? Avec vous, maintenant, rien ne me paraît tout à fait incroyable. Hein. Merci. Bah écoutez, aujourd'hui, je vais essayer de vous parler d'un trésor. Que vous avez découvert? Bon, n'allons pas trop vite, vous allez me gâcher tous mes effets. Ce trésor, vous le connaissez, vous aussi, j'en suis sûr. En tout cas, vous en avez sûrement entendu parler. Il s'agit du trésor de Ah, Rennes-le-Château. le fameux trésor du curé Saudière? Ouais, vous n'allez quand même pas me dire que vous avez trouvé ce trésor que tout le monde cherche depuis pratiquement un siècle, quoi. Non, mais moi, j'ai trouvé mieux qu'un trésor. J'ai trouvé la vérité. Ça vous intéresse? Poseras-tu ton corps, mon adoré? Dis, ton cœur et graine-t-il comme un regret? Des jours de neige, des noms d'arbres fruitiers, oh, vas-je reconnais ton silence? Ce silence des reines et des bourreaux cœur infidèle, toréador, taureau. Trouve la lumière, un Situé sur un plateau rocheux battu par les vents au sud de Carcassonne, Rennes-le-Château est un petit village de l'Aude qui ne doit sa notoriété qu'à son trésor. Depuis que le curé Béranger Saunière y aurait trouvé à la fin du siècle dernier un fabuleux trésor, des dizaines d'ouvrages, des articles par milliers ont été consacrés à Rennes-le-Château et aujourd'hui encore les visiteurs y affluent. Car la légende veut que la plus grande partie du trésor existe toujours cachée quelque part à Rennes-le-Château ou dans la campagne alentour. D'où viendrait ce trésor? Chacun a bien sûr sa thèse. Pour certains, Rennes-le-Château étant autrefois une importante ville wisigothique, ce sont les rois wisigoths qui auront enfoui leur trésor. Pour d'autres, il s'agit du trésor des Cathares, dissimulé là au moment de la croisade des Albigeois, afin d'éviter que le terrible Simon de Montfort ne s'en empare. Pas du tout, répliquent d'autres pseudo-historiens, pour lesquels c'est le trésor des Templiers qui se trouve à Rennes-le-Château. Alors voyons ce qu'en pense M. X. L'origine du trésor, bon, permettez-moi de vous dire qu'au début, je m'en moque, mais alors absolument. Ouais, hein. Quand même, alors qu'est-ce qui vous intéresse à Rennes-le-Château? Le mystère. Oui, oui, le mystère, mais enfin seulement le mystère. En un siècle, il s'est passé des choses tout à fait étonnantes autour de ce fameux trésor de Rennes-le-Château. Il y a eu des morts, toutes plus énigmatiques les unes que les autres. Ça commence en 1897, c'est-à-dire quelques années seulement, après l'extraordinaire découverte qu'aurait faite l'abbé Saunière. Cette année-là, le jour de la Toussaint, l'abbé Gélis, curé de Custosa, un petit village qui fait juste face à Rennes-le-Château, l'abbé donc est retrouvé dans sa cuisine, le crâne fracassé. Dans la maison, les tiroirs sont ouverts, les meubles ont été fouillés. Et pourtant, une importante somme d'argent en billets, 1500 francs, n'a pas été volée. Aucun témoin, aucune piste. L'assassinat de l'abbé Gélis ne sera jamais élucidé. Mais la rumeur dit que le modeste curé de campagne possédait des médailles en or qui provenaient, soi-disant, du trésor de l'abbé Saunière. Je vois où vous voulez en venir, là. Donc, 20 ans plus tard, en février 1915, le curé de Rennes-les-Bains, une petite localité, distance de 3 km de Rennes-le-Château, est retrouvé mort dans sa cure. Lui aussi. Oui. On n'a jamais pu expliquer pourquoi et comment l'abbé Rescanière avait été tué. Ce qu'on sait, tout simplement, c'est que ce curé s'intéressait beaucoup au trésor de Rennes-le-Château. Toujours le trésor. Hein. Oui. Pourtant, un homme semblait savoir ce qu'il était arrivé à l'abbé Rescanière. C'était un autre curé de la région, l'abbé Boudet. Un type bizarre, passionné d'histoire, de mystère, jouissant de très confortables revenus, ayant beaucoup d'influence sur Saunière. Moi, je suis certain que ce Boudet était intimement mêlé au mystère de Rennes-le-Château. Mais je résume. Boudet écrit donc à son évêque. Il a des révélations à faire au sujet de la mort inexpliquée et inexplicable de son confrère, Rescanière. Un délégué de l'évêché se précipite chez lui le 26 mars 1915. Trop tard. L'abbé Boudet vient de mourir dans d'abominables souffrances. Le mystère. Trois curés morts dans des circonstances étranges, ça fait quand même beaucoup. Oui, mais sans compter l'abbé Saunière. Enfin, il a été assassiné. Non. Le principal personnage de ces histoires, qui meurt, lui, en 1917, frappé tout simplement d'une hémorragie cérébrale. C'est plus sage. Mais attendez, j'ai pas fini. En 1960, un fonctionnaire parisien qui vient effectuer des fouilles dans l'ancienne église de l'abbé Saunière sort à la nuit tombée du bâtiment. Au moment où il ouvre la porte, une masse énorme s'abat à ses pieds. C'est un madrier. Tentative d'assassinat. Oui, enfin, celui ou celle qui avait imaginé ce dispositif voulait tuer, effectivement. Et c'est pas terminé. Hein. Noël Corbu, un hôtelier qui avait acheté en viager le domaine de l'abbé Saunière, et qui, bien entendu, cherchait lui aussi le trésor, meurt en 1968 dans un accident de voiture. 5 ans après, la voiture de son successeur, Henri Bution, est prise sous le feu d'un pistolet mitrailleur. Enfin, un an plus tard, Madame Roumaine Stallon, la nièce donc, de la gouvernante de l'abbé Saunière, dernière dépositaire du secret de l'abbé Saunière, est assassinée à Paris. Bon, enfin, vous conviendrez que ça fait quand même beaucoup de morts ou de tentatives d'assassinat, non? Oui, alors, bon, c'est toutes ces morts mystérieuses, j'imagine que c'est ça qui vous détermine, vous, à entreprendre des recherches, en tout cas, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Oui, enfin, bon, il y avait là une espèce de défi à relever et puis un mystère à éclaircir, enfin, d'une façon un petit peu présomptueuse. Je croyais que j'étais de taille à résoudre l'énigme. sont rentrés. J'entends du bruit sur le palier. Peut-être ils vont jouer du piano. Alors il arrivera, dira bonjour, les embrassera. Et j'entendrai son pas. Je devinerai où il va. Je devinerai où il va. Ils sont rentrés. J'entends les bruits dans l'escalier. Peut-être il va jouer du piano. Moi j'écouterai si fort. J'écouterai encore et encore. Et il s'arrêtera. Je devinerai où il va. Je devinerai où il va. Mais je ne veux plus y penser. Mais je ne veux plus l'écouter. Je vais bientôt aller me coucher. Mais je ne veux plus y penser, non. Mais je ne veux plus y penser. Mais je ne veux plus l'écouter. Je vais bientôt aller me coucher. Mais je ne veux plus y penser. Ils sont rentrés. Le piano a cessé de jouer. Je crois que sa chambre est au fond. Je suis triste s'il y va, parce qu'alors je ne l'entends pas. Mais si j'entends sa voix, je devinerai où il va. Je devinerai où il va. Ils sont rentrés. Et puis je vois mes mains trembler. Et si le piano s'arrêtait? Et puis s'il ne venait pas, ou bien alors s'il sonnait chez moi, un jour il viendra. Je devinerai où il va. Je devinerai où il va. Mais je ne veux plus y penser. Mais je ne veux plus l'écouter. Je vais bientôt aller me coucher. Mais je ne veux plus y penser. Je résume à grands traits l'histoire du trésor de Rennes-le-Château. 1885, un jeune curé vient prendre possession de sa nouvelle paroisse. Entreprenant, plutôt bel homme, bâti comme un joueur de rugby, Béranger Saunière est accompagné par sa servante, Marie Denardeau, une jeune fille très avenante. Saunière découvre un village à l'abandon, un presbytère parfaitement inhospitalier et une église qui menace ruine. Mais il en faudrait plus pour décourager le jeune abbé. Il sollicite l'aide de la municipalité, il répare, il consolide, il ne rechigne jamais à mettre lui-même la main à la pâte. Les habitants l'adoptent rapidement, même si les commères du village l'accusent d'entretenir des relations un peu trop intimes avec sa bonne, la jeune Marie. En 1891, 6 ans après son installation, Saunière s'attelle à la réfection du maître-autel de l'église qui risque de s'effondrer à tout moment. Il se fait aider par 2 ouvriers maçons. En démontant le maître-autel, les ouvriers découvrent dans un des piliers datant de l'époque wisigothique des rouleaux de parchemin qu'ils remettent bien sûr au curé. Et semble-t-il, à partir de ce jour, l'existence de l'abbé Saunière bascule. Pas curieux homme quand même que cet abbé Saunière. Les uns le prétendent rustre, quasiment ignorant. D'autres, au contraire, voient en lui un bel esprit, un philanthrope, un érudit qui connaissait grec, latin et qui avait des relations jusque dans les milieux artistiques de la capitale et qui correspondait aussi avec des amis disséminés un peu partout en Europe. La suite de l'histoire, bon, vous la connaissez à peu près. Après la découverte des rouleaux de parchemin, Saunière et sa fidèle servante, chacun une hotte sur le dos, commencent à parcourir en tous sens le plateau du Razès au-dessus de Rennes-le-Château. Ouais, alors c'est bizarre. Là. À votre avis, que cherchait-il? Des cailloux, paraît-il. Et là-bas, je vous assure que c'est sûrement pas ça qui manque. Ouais, enfin, c'est de la faribole. Là, ça. Les habitants de Rennes-le-Château l'ont cru? Bon, en tous les cas, moi, j'étais pas là à l'époque. Hein. Mais ça devait forcément intriguer, encore que dans ce pays, il courait dans la région pas mal de légendes. Au XVIIe siècle, un berger avait trouvé sur ce même plateau des pièces d'or. Mal lui en avait pris, car pour lui faire avouer où il avait trouvé son or, on l'a battu à mort. Il faut aussi savoir qu'à plusieurs reprises, au cours des siècles passés, des prospecteurs avaient cherché des filons d'or sur ce plateau du Razès, où autrefois les Romains auraient exploité des minorifères. Alors, les gens de la région se sont peut-être dit que leur curé cherchait de l'or, lui aussi. Un fada, quoi. Ouais, un fada qui se mettait à faire des grands trous un peu partout, dans le cimetière, voisin de l'église, mais aussi à l'intérieur même de l'église. Il y met même tellement d'ardeur que les habitants effarés par les activités de ce curé qui met la pagaille chez leurs morts finissent par porter plainte. Ben, bon, il en faudrait plus pour décourager Saunière. Car voilà, soudain, que notre brave curé commence à changer de train de vie. Il fait des travaux dans le presbytère, s'installe commodément, restaure l'église à grands frais, bref, il dispose de moyens financiers qu'il n'avait pas autrefois. Donc il a trouvé le trésor. Bon, on est bien obligé d'y penser. Oui, mais ce trésor, quelqu'un l'a vu, vraiment ? Personne. Bon, que c'est pas très étonnant, mettez-vous à la place de Saunière. S'il a réellement trouvé un trésor, il va pas aller le crier sur les toits. Et le maire, il ne s'est pas posé de questions ? Si. Il a même demandé à voir les parchemins. Mais Saunière a esquivé en prétendant qu'il fallait d'abord les traduire. Et le bon curé a proposé de les envoyer à son évêque. Ça, c'était avant la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et le brave maire n'y avait que du feu. Dites-moi, j'ai quand même l'impression qu'on a raconté un peu n'importe quoi sur la fortune subite de l'abbé Saunière. Oui, là, vous avez raison. Mais dès qu'on parle de trésors, bah, les imaginations s'enflamment. On a... Encore que les travaux d'amélioration du presbytère et du jardin étaient, eux, bien réels. Alors, conclusion ? Conclusion, bah, j'ai fait comme les autres, j'ai été sur place. Et c'est là-bas, à Rennes-le-Château, que j'ai commencé à approcher la vérité. Ragazzina, piccolina, ti ho comprato la gelato, il caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace, colombina, che non ti piace affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti in Texas con me e costruire il nostro piccolo ranch. Qualche animale dici che ci sono già io, ma non scherzare, ragazzina. Basta, faccio l'artista. Quanto pelo hai sul petto? Ora che ti guardo meglio, sembri proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso, e ora ridi fino a pisciati addosso. Ehi, contati negri perché proprio a me, e sono bianco e pulito come un giglio. Amo le donne e le faccio impazzire, povero Martin, meglio ripartire. La littérature consacrée à Rennes-le-Château foisonne. à commencer par le très joli livre de Gérard de Sède, L'Ordre de Rennes, paru chez Julliard. Et je me suis intéressé particulièrement à l'aventure de ces parchemins trouvés par l'abbé Saunière dans une colonne du maître-autel. Selon certains auteurs, il semble que le curé soit allé trouver son évêque, Monseigneur Billard. Celui-ci lui a conseillé d'aller consulter à Paris de savants ecclésiastiques de Saint-Sulpice. Il lui a même payé son voyage. À Paris, Saunière rencontre l'abbé Biel qui le présente à son neveu, Émile Offet, féru d'occultisme et de société secrète. La suite, si elle est vraie, est extravagante. Saunière, modeste curé de campagne, fréquente les milieux de la meilleure société. Il est reçu chez Claude Debussy, présenté à la plus grande cantatrice de l'époque, Emma Calvé, une beauté de 24 ans qu'il séduit. D'ailleurs, on prétendra ensuite qu'elle viendra à de nombreuses reprises à Rennes-le-Château. Enfin, au cours de son séjour parisien, Saunière se rend plusieurs fois au musée du Louvre et achète des reproductions de tableaux représentant des scènes religieuses. Et dès qu'il revient chez lui, à Rennes-le-Château, commence ses pérégrinations avec Marie sur le plateau du Razès, puis ses fouilles dans l'église et aussi dans le cimetière. Êtes-vous déjà allé à Rennes-le-Château ? Jamais, non. C'est dommage, je vous assure que l'endroit vaut le coup d'œil. Bon, d'abord le paysage, qui est fait de rochers tourmentés, là où la végétation s'accroche comme elle peut. On dirait que la montagne a été griffée par quelque diable. Qui a creusé des cavernes. Il a abandonné des ruines, de forteresses. C'est impressionnant. Et puis il y a le Rennes-le-Château. Le château, il existe toujours, même s'il n'en reste qu'une façade renaissance. Une tour aussi, une magnifique salle basse datant de l'époque wisigothique. Un petit peu plus loin, sur une terrasse, vous avez une série d'étranges monuments. C'est là que commence le domaine de l'abbé Saunière. On voit d'abord une tour néo-gothique, crénelée, qui supporte une échauguette. C'est la tour Magdala. Magdala. Ouais. Il y a encore un chemin de ronde, d'ailleurs, qui mène à une orangerie. Un petit peu plus loin, devant un bassin et des allées parfaitement dessinées, on découvre une villa un petit peu prétentieuse, la villa Bethany. C'est écrit sur le fronton. Bon, ça j'imagine que c'est la maison Saunière, de ouais. Saunière. Oui, tout à fait. Et puis, alors, juste à côté, l'église, une sorte de bâtiment très sobre qui date du XIe siècle. Et c'est là que le voyage, alors là, il débute vraiment, parce que dès que vous entrez dans cette église, un diable vous y accueille, une espèce de statue grimaçante qui supporte le bénitier. Bizarre, non? Et puis, vous regardez autour de vous et vous découvrez des tableaux, des statues représentant des personnages peints avec des couleurs violentes. C'est Saint-Sulpice, revu par le musée Grévin. Eh bien, dites donc. L'œuvre de Saunière, car après tout, dans cette église, tout a été réalisé par Saunière lui-même, ou bien par des artistes qui ont scrupuleusement respecté ses indications. Ouais. On a parlé, moi je me souviens, j'ai lu des livres là-dessus, on a parlé d'une sorte de jeu de piste. Oui, c'est ça, un jeu de piste qui mène bien sûr au trésor, en principe. On commence par le diable, le fameux diable du bénitier. Et puis on commence à s'interroger en même temps. Le diable semble assis. Deux de ses doigts forment un cercle et les cinq doigts de son autre main reposent sur son genou. Sur le bénitier qu'il supporte, on remarque les initiales BS. BS. Ouais. Alors à ce moment-là, on prend une carte d'état-major de la région et on commence à réfléchir. Il existe, juste à côté de Rennes-le-Château, un lieu dit le fauteuil du diable et à côté, une source du cercle. Quant aux cinq doigts, il pourrait peut-être indiquer un autre lieu dit la main du diable, qui, elle, est symbolisée par cinq creux à la surface d'un rocher. Et les initiales BS sur le bénitier, elles désignent, à l'évidence, un endroit appelé le bénitier, 6 entre les rivières Blanque et Sals. Vous me suivez ? Oui, enfin, pas tout à fait. Enfin, j'essaie. Mais je suppose que vous n'avez pas été le premier à établir ces corrélations. Hein. C'est vrai, c'est juste. Hein. J'étais là qu'au début du rébus, car je n'avais pas encore observé le fameux dallage. Dallage dans l'église. Oui, qui représente un gigantesque échiquier dont les angles sont exactement situés aux quatre points cardinaux. Il faut suivre le regard du diable, mais aussi celui de Saint Jean-Baptiste des fonts baptismaux. Chacun désigne une case qui détermine un lieu bien précis autour de Rennes-le-Château. Il faudrait encore parler du très sulpicien chemin de croix, où les détails insolites sont si nombreux qu'ils doivent cacher de nombreuses énigmes. Un vrai casse-tête. Mmh. Je vous sens de moins en moins convaincu là, sur la signification de ce rébus. Bah, écoutez, trop c'est trop. Vous comprenez ? Soudain, en regardant cette espèce de musée complètement aberrant, Je me suis dit que Saunière avait parsemé son église de fausses pistes. Mais ce qui m'a mis la puce à l'oreille, en réalité, c'est un jeu de mots. Je vois le diable dans le bénitier. non, plus drôle encore. Une des sculptures représente un Christ juché au sommet d'un mont, avec à ses pieds un sac crevé, d'où s'échappent des pièces de monnaie. À la base de cette sculpture, une légende. Je vais vous la lire. « Vous qui êtes accablés, venez à moi et vous serez soulagés. » Je répète, « Vous qui êtes accablés. » Vous entendez « s'accabler ». S'accabler. Bon, d'accord, c'est pas un calembour de la meilleure eau. Et il est là quand même, il existe. Et c'est comme ça que j'ai compris que l'abbé Saunière, bon, pardonnez-moi l'expression, se foutait littéralement du monde. D'accord. Alors vous, qu'est-ce que vous faites? Vous renoncez? Parce qu'au fond, tout ça, c'est... Ah non, pas du tout, bien au contraire. Car je venais à ce moment-là de découvrir la preuve que Saunière avait certainement quelque chose à cacher. Et à la suite de ces découvertes, j'ai donné quelques petits coups de fil. À qui? Non, de vieux amis, des rats de bibliothèque, des érudits. Ah, je vois toujours service, etc. Alors, que cherchiez-vous? C'était des parchemins qui m'intéressaient, car après tout, ils étaient à l'origine de l'aventure de Saunière. Et vous avez découvert quelque chose? Oui. Un secret qui, s'il avait été révélé, il aurait peut-être pu bouleverser totalement l'histoire de France. Quatre boules de cuir tournent dans la lumière de ton œil électrique. Box, box, aux déesses de pierre. Quatre boules de cuir, mes poings contre les siens. Moi le jeune punch, box, box. Lui le vieux Kid Marin. Kid Marin c'est un grand, et Dieu sait que je l'aime. Mais ses gants et mes gants ne pensent pas de même. OTS de pierre pour atteindre ton cœur, il n'est qu'une manière. Box, box, box, il faut être vainqueur. Quatre boules de cuir sur quatre pieds de guerre bombardent le plexus. Box, box, l'angle du maxillaire. Quatre boules de cuir dans la cage du ring, son crochet je l'encaisse. Box, il esquive mon swing. Kid Marin, j'en ai marre de notre réunion. Je vais te faire voir qu'il est de champion. Box, quatre boules de cuir et soudain deux qui roulent, répandant leur châtaigne dans le cri de la foule. La joue sur le tapis, j'aperçois les chaussettes de l'arbitre là-haut. 4, 5, 6, 7, box. Enfant, je m'endormais sur des chaos de rêve. Et c'est moi qu'on soutient, et c'est moi qu'on soulève. Et voici les vestiaires, on débande mes mains. Kid Marin vient me voir, ça ira mieux demain. Ô déesse de pierre, je prendrai ma revanche. Et j'aurai ton sourire, boxe. Comme une maison blanche. Oui, j'aurai ton sourire, point final de mes poings. Même si dans les coins, box, box, j'y vois encore luire. Quatre boules de cuir. Quatre boules de cuir. Box, box. Je voudrais évoquer brièvement un personnage dont on a peu parlé jusqu'ici, Marie de Nardot, la servante et peut-être maîtresse de l'abbé Saunière. Curieusement, quand le curé est mort en 1917, on s'est aperçu que tous ses biens étaient au nom de Marie. Tout, la Villa Bethany, la Tour Magdala, la bibliothèque et sans doute aussi le secret de l'abbé Saunière. Après la mort de l'abbé, l'héritière vit sans souci pendant des années et des années. Elle est à l'aise et jamais elle ne consent à vendre ses biens. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, Marie a alors presque 80 ans, il semble qu'elle soit ruinée par l'échange des billets de banque décidés à l'improviste par le gouvernement Ramadier. Marie est quasiment ruinée. On dit même qu'elle brûle des liasses de billets périmés dans le jardin de la Villa Bethany. Peu de temps après, elle cède en viager le domaine de Saunière à un hôtelier, Noël Corbu, qui accepte de la prendre en charge. Pour le remercier de ses bons soins, un jour, la vieille dame lui confie « Avant de mourir, je vous livrerai un secret qui fera de vous un homme puissant. » Mais, malheureusement pour Corbu, en 1953, Marie est frappée de congestion cérébrale et sur son lit de mort, malgré tous ses efforts, elle ne parvient pas à transmettre son secret à son bienfaiteur. Retrouvons M. X qui, lui aussi, a promis de nous révéler un formidable secret. Non, mais ce qui m'intéressait, moi, c'est ce que contenaient les parchemins de la Bessonnière. C'est ça qui m'importait. Vous les avez retrouvés, ces fameux parchemins ? Bon, en tout cas, si je ne les ai pas retrouvés, j'ai retrouvé leurs traces. Je vais aller très vite, hein, parce que c'est une histoire terriblement compliquée. Saunière les avait confiés à une nièce. Celle-ci regarde les parchemins, ne comprend rien au gribouillis dont ils sont recouverts, et elle s'en débarrasse. Ce sont des libraires anglais qui en ont hérité. Des revues spécialisées qui en ont publié des extraits. C'est comme ça que mes amis... Vos fameux amis. Oui, oui. C'est eux qui ont pu donc m'en communiquer quelques extraits. Et dans tout ce fatras, il y avait un document étonnant. La généalogie des comtes de Redae. Redae, c'est le nom ancien de Rennes-le-Château, du temps des Visigoths. Quel rapport avec notre histoire ? Cette généalogie apportait tout simplement la preuve que la dynastie des Mérovingiens n'était pas éteinte. En effet, juste après l'assassinat de Dagobert II à la fin du 7e siècle, on avait cru que son fils, Sigebert, un mioche de 4 ans, avait été oxy en même temps que son père. Pas du tout. Sigebert a survécu et sa mère l'a caché sur le plateau du Razès à Redae. C'est-à-dire à Rennes-le-Château. Oui, et ce fameux miraculé de Sigebert a fait souche. Alors maintenant, projetons-nous 12 siècles plus tard, à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire à l'époque où Béranger Saunière découvre ces fameux parchemins. 20 ans plus tôt, le comte de Chambord, parce qu'il n'aimait pas le drapeau tricolore, a refusé le trône que lui offrait MacMahon. Lui, c'était le drapeau blanc, uniquement le drapeau blanc. Oui, tout à fait. À une voix de majorité, d'ailleurs, la République est proclamée. Chambord meurt sans descendant. C'en est fini pour la branche aînée des Bourbons. Restent les Orléans. Mais ils n'en finissent pas de payer l'attitude de leur ancêtre, Philippe Égalité, qui a voté la mort de son cousin Louis XVI. Alors, un Mérovingien, pourquoi pas ? Après tout, celui-là avait le privilège de l'antériorité. Descendant de Clovis, donc je trouve ça assez amusant, surtout en ce moment, et après la visite du pape. Hein. Et alors maintenant, vous comprenez pourquoi cette découverte aurait pu bouleverser à l'époque l'histoire de France. Mais vous croyez vraiment à cette histoire de Mérovingien ? Je vous ai dit au début là, de cet entretien que j'avais gardé une âme d'enfant. Oui, c'est ça. Donc, en tous les cas, cette thèse a au moins un mérite, c'est qu'elle pourrait expliquer pourquoi la Bessonnière est devenue riche. Pour les royalistes de tout crin, cette découverte était une aubaine. Un authentique candidat au trône, ça se trouve pas si facilement que ça. Ouais. Et les monarchistes auraient pu payer effectivement très cher pour cette découverte. Ouais. Vous avez dit ils auraient pu payer. Eh oui, parce que le mystérieux Mérovingien n'a pas fait surface. Vous le savez aussi bien que moi. Oui, c'est vrai que ça se saurait. Ouais. Ouais. Et ça réduisait donc à néant cette fameuse piste. Alors une fois de plus, j'ai dû me creuser la tête afin de dénicher le vrai trésor de Saunière. Et j'ai trouvé. J'ai trouvé. La solution était simple. Il suffisait d'ouvrir les yeux. Alors racontez-moi. Je me suis intéressé aux dépenses de la Bessonnière. C'est d'autant plus facile que Saunière lui-même en a fait un relevé quand l'évêché a commencé à lui chercher des poux dans la tête. Selon son propre aveu, donc, l'abbé a dépensé 193 000 francs de l'époque, c'est-à-dire à peu près 2 500 000 francs d'aujourd'hui. Ouais, c'est quand même une belle somme. Hein. Oui, pas mal, mais enfin, un petit trésor. Vous en conviendrez. Vous voyez, pas un trésor, mais un petit trésor. Oui, un tout petit. Alors j'ai continué à chercher. Et j'ai découvert que l'abbé Saunière recevait un important courrier. Un courrier qui provenait de toute l'Europe. Quand même étrange pour un petit curé de campagne perdu au fond d'un village du Languedoc. Et j'ai compris. Saunière avait un frère, un prédicateur qui parcourait l'Europe. Les deux frères étaient de mèche. Le voyageur, au fil de ses rencontres, évoquait les malheurs de son frère, victime de l'anticléricalisme virulent de l'époque. Oui, c'est vrai qu'on n'était pas loin de l'époque du petit Père Combes. Eh oui, oui. Alors, partout où il passait, il disait, il faut l'aider, il faut lui envoyer des dons pour son église, pour soutenir son combat pour la foi. En retour, il dira une messe pour vous. Et ça a marché. Les dons ont commencé à affluer et le brave Saunière, pour remercier les donateurs, envoyait des cartes postales de congratulation. Des cartes postales représentant, bien sûr, son église. Ah, mais les messes payées et peut-être pas dites, c'est grave, ça, je crois que ça s'appelle de la simonie. Exactement. Alors, à votre avis, donc, c'est la simonie, là, c'est le trésor de Saunière. C'est le butin d'un curé simoniaque. Ah, exactement, malheureusement. Et vous en avez la preuve ? Oui. Un jour, mais tout à fait par hasard, au marché au timbre qui se tient à Avenue Matignon, j'ai eu la chance de tomber sur l'une des cartes postales qui était signée par la Bessonnière et qui remerciait pour sa générosité un donateur d'Europe centrale. Une des cartes postales qu'il envoyait par centaines, peut-être par milliers. Oui. Mais alors, attendez, il y a quand même l'existence de ces médailles, là, que l'abbé Genlis, un des curés qui a été assassiné, oui. Ces médailles qu'il aurait détenues et qui provenaient du trésor de Saunière. Oui, ça c'est juste, mais on a trouvé tout à fait l'explication. Il s'agissait en réalité de monnaie du XVIIIe siècle, qu'un lointain prédécesseur de l'abbé, un prêtre réfractaire vraisemblablement, avait caché dans le maître-autel de l'église au moment de la Révolution. Bon, c'était pas très important, un petit magot. On est très très loin des 193 000 francs or de la Bessonnière. Oui, mais alors les morts mystérieuses dont vous avez parlé au début, et puis c'est ces morts qui vous ont attiré à Rennes-le-Château. Ben, vous savez bien que les chasseurs de trésors sont impitoyables entre eux. Et puis si l'or s'est fait rêver, ben, il fait aussi tuer. Ouais, alors il y aurait eu des règlements de compte à Rennes-le-Château, si je comprends. Donc bon, finalement, il n'y a plus de mystère là-bas. Non. Enfin, quand même. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Écoutez. Personne n'a jamais expliqué pourquoi, en 1960, des chercheurs, en fouillant le cimetière de Rennes-le-Château, ont trouvé 3 cadavres d'hommes tués par balles. Personne. Et ces fameux 3 morts sont demeurés anonymes, et leurs assassins impunis. Monsieur X a mis fin à notre entretien sur ce nouveau mystère. Mais bien sûr, nous avons pris un nouveau rendez-vous et je vous retrouverai la semaine prochaine.